j'ai la rage dès le morning. J'ai vu des phases et là je me dis, peu importe ce qui s'est passé, jamais flanché devant la monnaie. Ah mais oui, de toute façon je m'en fiche, y'a pas de secret, je sais. Je médite et là je me dis, tout le seul reste. Millions d'euros j'ai dans le viseur, et sans rien faire tu fous la même merde. Millions d'euros j'ai dans le viseur, et sans rien faire tu fous la même merde. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, j'veux des love, j'veux des love. C'est fire, fire, faut un bail. J'suis pompé là, j'veux des love, j'veux des love. J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand j'suis direct, eh ben non, faut pas s'acheter. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Tant plus la nuit, j'pense au lendemain. Sur qui compter, pas sur toi, tu le sais. J'connais la route, allez, ciao. Trop de vie, se rendre par où, tu sais. Pourquoi mentir, j'te ferai pas un dessin. Tu connais la suite, si j'te ferai pas un dessin. Pourquoi mentir, j'te ferai pas un dessin. Tu connais la suite, si j'te ferai pas un dessin. Millions d'euros, j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, tu fous la même merde. Millions d'euros, j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, tu fous la même merde. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, peu, j'veux des love, j'veux des love. C'est fire, fire, faut un bail. J'suis pompé là, peu, j'veux des love, j'veux des love. J'me suis vénère, tout d'un coup, j'ai tout lâché. Quand j'suis direct, eh ben non, faut pas s'acheter. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. J'veux des love et des euros, love, euros. Billets, billets, mauve, billets, billets, mauve. J'veux des love et des euros, des love, euros. Billets, billets, mauve, billets, billets, mauve. C'est fire, fire, fire. J'suis pompé là, j'veux des love, j'veux des love. C'est fire, fire, faut un bail. J'suis pompé là, j'veux des love, j'veux des love. J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand j'suis direct, eh ben non, faut pas s'acheter. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Love.